Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. En mai 1949, un texte court est publié dans la revue Les Temps Modernes. Son nom, l'initiation sexuelle de la femme. Derrière ce titre clinique se cache une description de l'apprentissage de la sexualité chez les jeunes filles, une description sans phare signée Simone de Beauvoir. Le scandale est immédiat. Dans la France encore très pieuse de l'après-guerre, il est intolérable d'aborder ce thème de cette façon. En réalité, ce texte fait partie d'un ensemble plus vaste, un essai sur la condition féminine, le deuxième sexe. L'ouvrage paraît quelques mois plus tard et il fait l'effet d'une bombe. Il faut dire que la thèse en est sulfureuse. Il n'y a pas de destin biologique féminin, non. La féminité est d'abord et avant tout une construction sociale et historique, affirme Simone de Beauvoir. Bientôt, c'est l'une des phrases du livre qui devient le premier véritable slogan féministe. On ne naît pas femme, on le devient. Alors, comment le scandale est-il arrivé? Qui était Simone de Beauvoir? Et surtout, pourquoi le deuxième sexe est-il devenu un livre fondamental? Notre invitée aujourd'hui, Marie-Jo Bonnet, historienne, spécialiste de l'histoire des femmes, militante de la cause féministe, auteure du livre « Mon MLF ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, mai 1949. Le petit milieu littéraire de la rive gauche est en émoi. Dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, la Rotonde, les deux Magots, toutes les conversations tournent autour d'une question brûlante. Avait voulu Beauvoir? Les raisons de cette tempête se nichent dans un texte qui vient de paraître dans le numéro 43 de la revue mensuelle Les Temps Modernes. Un texte signé Simone de Beauvoir, dont le titre, rien que le titre, sent déjà le soufre. L'initiation sexuelle de la femme. Extrait. En un sens, l'initiation sexuelle de la femme, comme celle de l'homme, commence dès sa plus tendre enfance. Il y a un apprentissage théorique et pratique qui se poursuit de manière continue depuis la phase orale, anale, génitale, jusqu'à l'âge adulte. Mais les expériences érotiques de la jeune fille ne sont pas un simple prolongement de ses activités sexuelles antérieures. Elles ont très souvent un caractère imprévu et brutal. Elles constituent un événement neuf qui crée une rupture avec le passé. En 8 pages, toutes de cette teneur, Simone de Beauvoir évoque l'importance des débuts érotiques et décrit, en des termes très clairs, le dépucelage d'une jeune fille. Dès la 2e page, il est question de la sensibilité vaginale, du spasme clitoridien et de l'orgasme mâle. Enfin, une femme ose aborder, sans pudeur ni faux semblant, le grand tabou de la sexualité féminine. Et dans la France catholique de l'époque, la proposition a de quoi faire scandale. Bientôt dans le tout Paris, les exemplaires des Temps Modernes s'arrachent. Ils passent de main en main et la revue est vite épuisée. Les yeux écarquillés, on se demande qui peut bien être celle qui a osé écrire ça. Alors, avait voulu Beauvoir? Bien qu'elle ait déjà publié 3 romans et quelques essais, cette femme de 39 ans est d'abord connue pour être la compagne d'un philosophe aux idées nouvelles et sulfureuses, Jean-Paul Sartre. Inséparable amoureux, ami ou amant, sœur, frère et collaborateur, le couple Sartre-Beauvoir baigne dans les remous de la vie intellectuelle française. Voilà 3 ans que le duo a fondé la revue Les Temps Modernes, dans laquelle vient de paraître le texte. Et malgré sa jeunesse, la publication est déjà très influente dans les cercles parisiens. Clairement marquée à gauche, elle se veut la vitrine d'un courant de pensée alors très en vogue, l'existentialisme. Ce concept, révélé par Sartre 6 ans plus tôt dans L'être et le néant, a dynamité des siècles de pensée philosophique à travers une formule devenue célèbre, l'existence précède l'essence. Ainsi, selon Sartre, l'être humain se définit non pas à travers ses intentions, mais bel et bien par ses actions. Dans un entretien en 1975, au micro de Jean-Louis Servan-Schreiber, Simone de Beauvoir explique sa rencontre avec la philosophie existentialiste. Nous pensons, et ça c'est un des points les plus importants de l'existentialisme, que l'homme est finalement la raison d'être de l'homme, son avenir et la fin même de toutes ses activités. C'est-à-dire que nous trouvons bien tout ce qui sert aux intérêts, au bonheur et au développement de l'homme, et mauvais tout ce qui va contre. Et c'est là la base absolument fondamentale de ce qu'on peut appeler notre éthique, enfin, ou même notre morale. Et alors, il est à la fois sa cause et sa fin. Peut-être pas sa cause, mais certainement sa fin. Mettons sa raison d'être. Alors, sa cause, quelle serait-elle ? Sa cause, ça, c'est une question métaphysique que je ne suis pas artificier à résoudre. L'homme est là, et nous ne posons pas les questions métaphysiques, pas plus que bien les philosophes depuis Kant. Ils ont décidé de ne pas la poser, nous sommes là, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir que faire de nous. En ce printemps 1949, le philosophe au regard oblique et l'essayiste au chignon serré sont déjà indissociables. Mais avec la sortie du numéro 43 des temps modernes, ce n'est pas Sartre qui crée le scandale, mais sa compagne. Et la réponse ne se fait pas attendre. La fronde commence avec le Figaro et l'un de ses rédacteurs les plus célèbres, François Mauriac. Catholique, l'homme de lettres s'étrangle à la lecture du texte et il compte bien le faire savoir. Ainsi, dans un article daté du 30 mai 1949, il écrit ceci. Nous avons littérairement atteint les limites de l'abject. Il ne s'agit pas de partir en guerre contre les grandes œuvres audacieuses, ni contre la poésie qui transfigure et qui purifie. Il faut que l'homme soit connu et que nous jetions des torches dans ses abîmes. Mais l'abject n'est jamais beau. Sade et ses émules relèvent-ils de la psychiatrie ou de la littérature ? Le sujet traité par Madame Simone de Beauvoir, l'initiation sexuelle de la femme, est-il à sa place au sommaire d'une grave revue philosophique et littéraire ? Le ton de l'écrivain, homme pourtant raffiné, situe le niveau des réactions. Parler des femmes, analyser en détail tous les éléments objectifs et subjectifs qui en font des êtres humains, attire des critiques émotionnelles et non des débats d'idées. Bientôt, d'autres publications emboîtent le pas du Figaro et tous les grands journaux y vont de leur critique du texte de Beauvoir, négative pour la plupart. Mais la droite gaulliste n'est pas la seule à s'indigner. Pour de nombreux communistes, Simone de Beauvoir n'est qu'une bourgeoise, une lettrée avide de scandale, incapable de comprendre que les femmes seront libérées seulement par la victoire de la classe ouvrière. Les attaques viennent donc de tous bords, et les réactions sont épidermiques. Les éditorialistes semblent avoir perdu toute capacité de réflexion, écrit au sacrilège ou à la pornographie. Face à ces turbulences, Simone de Beauvoir éprouve un certain plaisir après tout. La violence des critiques est bien la preuve qu'elle a touché un point sensible. Et elle en remet une couche. En juillet, puis en septembre, elle publie deux autres textes dans la revue. D'abord sur l'homosexualité féminine, puis sur la maternité. Celui-ci s'ouvre sur un plaidoyer de 15 pages en faveur de l'avortement libre, dans lequel Beauvoir dénie jusqu'à l'existence de l'instinct maternel. Selon l'auteur, la fonction de mère aliène les femmes. Un propos d'une liberté, d'un humanisme ébouriffant qui, évidemment, dans la France du baby-boom, ne passe pas. Il se trouve que depuis la fin de la guerre, 4 ans plus tôt, une politique familiale volontariste et un état-providence se construisent patiemment en France. Les allocations familiales, l'allocation de salaire unique, les prêts pour le mariage, le quotient familial et une myriade d'autres mesures tentent de redresser une natalité durablement effondrée. Autrement dit, les Françaises doivent faire des enfants. L'injonction est claire à l'image de ce reportage de 1950. Personnage familier, le payeur des allocations familiales traduit l'aide apportée à chaque foyer pour élever ses enfants. Derrière ce geste banal, pour la région parisienne comme partout en France, il y a l'immeuble de la caisse. À l'intérieur, le spectacle d'une administration des temps modernes. Ces machines permettent la ponctualité des paiements et des économies de frais de gestion. Les sommes versées par les allocations familiales représentent des investissements dont aucune autre entreprise n'atteint le chiffre. 750 milliards d'anciens francs par an sont en effet investis dans la jeunesse. La sidérurgie n'investit que 235 milliards, l'électricité de France, 286. En diminution depuis 1936, la population française a fait, à partir de 1946, des bons prodigieux. Les moins de 20 ans représentent aujourd'hui près du tiers de la population totale. Il ne fait pas de doute que les investissements réalisés jusqu'ici par les allocations familiales ont permis aux familles d'élever une jeunesse saine et active, les producteurs de demain. Cette politique nataliste du pays s'accompagne de tout un discours autour de la maternité, l'idéal de la mère au foyer, éducatrice née d'une famille qu'on espère nombreuse, est incrusté dans l'inconscient de nombreuses Françaises. Et pour cause, à grands coups de sujets télé ou radio, on rappelle aux femmes toute la mythologie classique de la féminité, comme dans ce reportage de l'ORTF daté de 1952. Qui êtes-vous, Madame Dupont? Vous parmi les 21 400 000, Madame Dupont. Qui je suis? Une bonne Française moyenne. Madame Dupont se marie en moyenne à 24 ans. Elle a environ 15% de chances de divorcer au bout de 3 ans. Hélas, 30% de chances d'être trompée au bout de 5 ans. 76% de Madame Dupont apportent au lit le petit déjeuner de leur mari. Sauf pendant les 3 premiers mois de leur mariage, où 45% de messieurs Dupont remplissent cet office. Madame Dupont consacre au moins 65 heures par mois au nettoyage de son appartement. Mais elle passe 25 heures par an à vernir ses ongles. Et 26 heures pour les faire sécher. Oui, mais ce temps est pris sur les 360 heures annuelles qu'elle perd à attendre les 70% de messieurs Dupont qui, après les 8 premiers mois de leur mariage, ne rentrent pas directement de leur travail. Au fond, voyez-vous, Madame Dupont est 100% conservatrice. 22% de Mesdames Dupont consomment 30 paquets de biscottes par mois pour garder la ligne. Avec une petite clichette de beurre, tout de même. Elle le mérite bien. Nos statistiques très étudiées établissent qu'en général, 6 soirs sur 7, Monsieur Dupont laisse à sa femme le loisir de rêver. De rêver à la voiture de ses rêves, qui lui permettra de gagner un temps précieux pour tout ce qu'elle n'a pas pu faire dans sa journée. Et de s'endormir heureuse comme les 21 400 000 autres Mesdames Dupont. Heureuse malgré tout de vivre en France avec 21 millions de messieurs Dupont. Face à ce discours, Simone de Beauvoir met sérieusement à mal quelques-uns des consensus de son temps. Mais la philosophie n'a pas encore tout dit, car ces textes ne sont que la partie émergée de l'iceberg, un travail entrepris 3 ans plus tôt. Cet ensemble plus large prend la forme d'un essai global sur la condition féminine, en 2 volumes, travail qu'elle a décidé d'intituler « Le deuxième sexe ». Le tome 1 paraît à la rentrée 49 dans la fameuse collection blanche de Gallimard. Sous le titre « Les faits et limites », Beauvoir s'interroge sur les origines culturelles de l'inégalité profonde entre hommes et femmes. Quelques mois plus tard, le deuxième tome paraît sous le titre « L'expérience vécue ». C'est la partie la plus scandaleuse, enfin pour l'opinion, partie dans laquelle on retrouve les textes sur l'initiation sexuelle ou encore sur la maternité. C'est aussi dans les premières pages de ce volume qu'apparaît la phrase la plus célèbre de l'écrivain. « On n'est pas femme, on le devient ». La formule est bientôt reprise, elle deviendra le totem de plusieurs générations de femmes. Il est vrai qu'entre deuxième sexe et sexe faible, il y a une sacrée différence. Oui, sexe faible. Aujourd'hui, l'emploi de cette formule apparaîtrait à juste titre intolérable. Et pourtant, jusque dans les années 70, on l'employait. Autre indice du machisme ordinaire de la société de ces années-là, une femme mariée recevait par exemple des lettres estampillées « Madame Roger Dupont ». Bref, elle n'existait pas. Alors, que raconte le deuxième sexe? Eh bien, en près de 1000 pages, Simone de Beauvoir propose une analyse érudite de la condition féminine à travers les mythes, les civilisations, les religions, l'anatomie et les traditions. Elle applique à la question des femmes l'idée existentialiste sartrienne, autrement dit, l'antagonisme entre nature et liberté. D'où on ne naît pas femme, on le devient. L'observation principale développée dans l'essai peut se résumer ainsi. La femme est la grande absente, un grand autre de l'humanité, et jusque-là, elle n'a été définie que dans son rapport au sexe opposé. Autrement dit, être une femme revêt plus de la construction sociale que de la biologie. Dans ce monde d'hommes, la philosophie jette donc un pavé dans la mare, un pavé en 2 tomes qui s'apprête à changer l'histoire de la pensée féministe. « Alors, où se trouvent les origines du deuxième sexe? Quel a été son impact? Et puis, comment Simone de Beauvoir est-elle devenue femme? Pour répondre à ces questions, il convient de remonter le temps au début du XXe siècle et d'explorer l'apprentissage philosophique de la future icône. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation, qui a abouti à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Simone de Beauvoir est née à Paris avec le XXe siècle, le 9 janvier 1908. Ses parents sont issus de la bourgeoisie et mènent une existence classique. Père avocat, mère très croyante, femme au foyer. Dès son plus jeune âge, Simone se distingue par ses capacités intellectuelles. Elle excelle à l'école et se découvre, dès l'adolescence, une vocation, l'écriture. D'ailleurs, à 15 ans, son choix est fait, elle sera romancière. Dès l'adolescence donc, elle s'affranchit progressivement des conventions bourgeoises de son éducation. Cette volonté d'émancipation, fille aînée de la liberté, c'est tout Simone de Beauvoir, comme elle le confirme dans cet entretien pour l'émission Premier Plan, en 1962. Je ne me suis pas révoltée au jour le jour, mais j'ai gardé un très grand dégoût par la suite des institutions bourgeoises. Ça a commencé très lentement, c'est pour ça que je crois que c'est profond, c'est venu en profondeur. Ça a commencé par une espèce de malaise. Je trouvais qu'il y avait une incohérence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils faisaient. Je trouvais qu'il y avait une énorme bêtise dans leur manière de vivre, qu'ils ne savaient pas vivre. Ça, j'ai commencé à penser ça vers 12, 13 ans, que les choses qui se font, il n'y avait pas de raison pour les faire, qu'on pouvait très bien faire qui ne se font pas. Petit à petit, sans révolte, il y a une espèce de bêtise qui m'a sauté aux yeux. Puis j'ai voulu m'en dégager, et puis j'ai travaillé pour m'en dégager. Et puis une fois que j'ai été étudiante et que j'ai commencé à pouvoir faire une espèce de plan de ma vie, eh bien, j'ai essayé de m'écarter le plus possible de cette espèce de schéma tout fait, tout bâti. Je voulais inventer ma vie, je pensais qu'on pouvait inventer et qu'on s'en tirerait beaucoup mieux qu'en répétant des routines éprouvées, mais justement très mal éprouvées. Après le bac, Simone rejoint les bancs de la faculté de lettres de la Sorbonne. Dans le Paris des années folles, elle rencontre d'autres jeunes intellectuels, notamment un certain Jean-Paul Sartre. Petite lunette ronde, costume cintré, gitane brune et raie sur le côté, Sartre est déjà considéré comme un surdoué et un futur génie de la philosophie. Entre les deux étudiants, le coup de foudre est immédiat. Il l'appelle Castor, elle l'appelle Sartre. C'est le début d'une histoire d'amour légendaire. En 1929, il passe en même temps l'agrégation de philosophie. Elle est reçue deuxième juste devant lui. Ils obtiennent ensuite des postes d'enseignants en province avant de rejoindre Paris en 1936 et de s'installer dans un appartement du quartier Montparnasse. Simone et Jean-Paul partagent les mêmes convictions et rejettent l'individualisme bourgeois. D'ailleurs, le couple qu'ils forment est à leur image, libre et en perpétuelle construction. À ce titre, un pacte amoureux original est décidé très tôt dans leur relation. L'un et l'autre sont libres d'avoir des relations extérieures que Sartre appelle « amour contingente » par rapport à cet amour nécessaire, celui qui nous unit. Simone de Beauvoir entretient également des relations avec certaines et certains de ses élèves. Parfois, elle les présente même à Sartre, et ils forment des trios, voire des quatuors amoureux. C'est le cas, par exemple, d'une certaine Olga. Le triangle que le couple forme avec elle est la base du premier roman de Beauvoir, L'Invité, paru en 1943. Simone, alors âgée de 35 ans, accomplit ici l'un de ses rêves d'enfance, être une auteure publiée. Cependant, ses aventures avec ses élèves ne sont pas sans conséquences, on l'imagine. En En juin 1943, elle est suspendue de l'éducation nationale après une plainte pour excitation de mineurs à la débauche déposée par la mère d'une de ses étudiantes. Alors Simone abandonne son poste de professeur et se consacre entièrement à l'écriture. À ses côtés, Sartre est en plein bouillonnement créatif. Et en cette année 43, 6 ans avant le deuxième sexe, c'est lui qui crée l'événement. En septembre de cette année-là, il publie Lettre le Néant. L'ouvrage est un succès immédiat. Dans ce texte puissant et novateur, il développe ce qu'il appelle l'existentialisme athée. L'homme, selon Sartre, doit refuser toute forme de transcendance. Seul compte ses actes, et il est pour ainsi dire condamné à être libre, l'homme, comme Sartre l'explique lui-même au micro de Jacques Chancel pour l'émission Radioscopie sur France Inter en 1973. Il faut essayer, c'est le désir et le besoin de tous, de donner la vraie direction à cette liberté que l'on fausse dès que nous naissons. On la fausse parce que nos parents nous conçoivent avec un destin. Ils imaginent que nous serons telle chose ou telle autre. Ensuite, par l'éducation, par l'ensemble des informations que donne la presse, qui, comme vous le savez, sont plus ou moins fausses, l'ensemble de ces facteurs et beaucoup d'autres font que la personne, tout en se sachant libre, se trouve agir n'importe comment, dans différents sens, très souvent mauvais, très souvent dicté par quelque chose, la publicité par exemple, et c'est ça qu'il s'agit pour chacun, qu'il le sache exactement ou non, de supprimer. Il faut retrouver cette liberté du libre organisme pratique, c'est-à-dire du libre corps de chacun, qui doit pouvoir faire ce qu'il veut. Plus qu'un courant de pensée, l'existentialisme devient phénomène de société auprès des étudiants et des intellectuels du pays. La philosophie est remise au centre des grands débats qui enflamment la France des années 40. Autour de Sartre et de Beauvoir, une petite troupe d'intellectuels se forme pour diffuser le courant de pensée existentialiste. Au sortir de la guerre, en 1945, le groupe fonde une revue, Les Temps Modernes. Clairement marquée à gauche, la publication est alors proche du Parti communiste. Sartre, comme Beauvoir, milite farouchement pour la révolution et l'émancipation de la classe ouvrière. Mais est-ce bien le moyen de se libérer des dogmes que d'adhérer à une pensée totalitaire ? En tout cas, en 1945, l'un comme l'autre sont convaincus que la littérature est un moyen de changer la société en profondeur, oui, qu'elle peut transformer l'humanité et ses deux parties, l'homme et la femme. D'ailleurs, en 1945, toujours 4 ans avant le deuxième sexe, Simone de Beauvoir publie son deuxième roman, Le sang des autres, puis l'année suivante, en 1946 donc, Tous les hommes sont mortels. Elle devient une figure reconnue de la vie intellectuelle française, même si elle reste Madame Sartre aux yeux de l'opinion publique, ce qui, pour une combattante des droits de la femme, n'est pas charitable. En attendant, Simone souhaite découvrir de nouveaux horizons. Et c'est bientôt chose faite, lorsqu'à l'été 1946, la promesse du nouveau monde s'offre à elle. En juin de cette année, elle est invitée pour un cycle de conférences aux États-Unis. Ce voyage marque un tournant dans sa vie. À Chicago, elle fait la rencontre d'un romancier, un certain Nelson Algren. Il est, pour ainsi dire, le strict opposé de Sartre. Joueur invétéré, c'est un vrai bad boy qui aime traîner dans les bars louches des quartiers malfamés de la capitale du Midwest. Entre l'écrivain des bas-fonds et la romancière à particules, une passion intense jaillit. D'ailleurs, Simone de Beauvoir éprouve un désir charnel qu'elle n'avait jamais alors ressenti pour quiconque. Une histoire d'amour brûlante débute. De retour en France, Beauvoir entame une correspondance avec son amant. Et très vite, elle ressent le besoin de préparer un nouvel ouvrage, comme une réponse à un manque. Le travail sur le deuxième sexe peut donc commencer. No man in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man in the world. No man in the world. No man. world. We create. The smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. No man. Have faced unthinkable obstacles just to attend school. The measure of any society is how it treats its women and girls. Won't stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. No man, no man is big enough for no us. And I told them that they should disregard anyone who no demeans man, or devalues no them, and that they should make their voices heard in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. En 1946, Simone de Beauvoir est une intellectuelle déjà accomplie. Elle vient de publier son troisième roman. Elle est perçue dans le milieu littéraire parisien comme une auteure pleine de promesses. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Non, son désir d'écrire la dévore. Dès lors, une question se pose, la plus évidente qui soit, de quoi parler ? Comme au temps de ses premiers écrits de fiction, elle a encore envie d'écrire sur elle et sur sa vie, mais elle ne sait pas trop quoi raconter, ni quelle forme adopter. Roman, autobiographie, essai. Naturellement, elle se tourne vers son compagnon de toujours, Sartre. Un jour du printemps 46, dans leur appartement de Saint-Germain-des-Prés, ils sont en pleine discussion lorsqu'elle se demande ce qu'a signifié pour elle le fait d'être une femme. Son récent voyage aux États-Unis n'y est sûrement pas pour rien. Elle y a observé des femmes bien différentes d'elle et surtout, elle est tombée éperdument amoureuse d'un autre homme. Non, sa première réaction est l'évitement. Pour moi, ça n'a été pour ainsi dire... Enfin, ça n'a pas compté, dit-elle. Sartre intervient. Tout de même, vous n'avez pas été élevé de la même manière qu'un garçon. Il faudrait y regarder de plus près. À presque 40 ans, Simone de Beauvoir va avoir la révélation. Ce monde est un monde masculin. Elle abandonne donc le projet d'une confession personnelle pour s'occuper de la condition féminine, la sienne et celle des autres. Des années plus tard, en 1975, au micro de Jean-Louis Servan-Schreiber, elle raconte ce moment particulier. J'ai vécu ma propre condition, qui était, comme vous dites, une condition d'intellectuel, qui avait la chance de faire un métier dans lequel il n'y avait pas de compétition avec les hommes, puisque l'enseignement est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes. J'avais eu des camarades à la Sorbonne ou enfin ailleurs, qui, justement, sur le plan intellectuel, me traitaient tout à fait à égalité, donc je n'avais pas senti cela. Comme par-dessus le marché, je n'avais pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfants, que je n'avais donc pas amené une vie intérieure, ce qui est la chose la plus écrasante dans la condition féminine, j'avais échappé aux servitudes de la condition féminine. Alors, plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir, à mieux regarder autour de moi, j'ai vu la vérité sur la condition féminine. Et je l'ai découverte en grande partie en écrivant Le deuxième sexe. Pressée comme toujours, studieuse comme jamais, Simone de Beauvoir reprend le chemin de la Bibliothèque nationale pour étudier ce qu'elle nomme aussitôt les mythes de la féminité. Pendant des mois, elle amasse de la documentation et lit énormément, piochant dans toutes les disciplines, biologie, histoire, littérature, sciences sociales. Une fois ce travail terminé, elle peut donc commencer la rédaction et, à l'hiver 48, une première version du texte est achevée. En Ensuite, au printemps 49, comme nous l'avons raconté, trois chapitres sont édités dans la revue qu'elle a créée avec Sartre, Les Temps modernes. Quelques mois plus tard, l'ouvrage sort, le scandale est immédiat. Oui, sans surprise, le deuxième sexe est vilipendé par la droite conservatrice, Le Figaro en tête. Mais dans ce cortège de réactions négatives, la surprise vient de la famille politique de Simone de Beauvoir, la gauche, une certaine gauche. Les éditorialistes communistes, il s'agit de cette gauche-là, dénoncent également l'ouvrage, à l'image de la journaliste de l'Humanité, Marie-Louise Baron, qui le qualifie de « charabia », ajoutant « J'imagine le franc succès de rigolade qu'obtiendrait Madame de Beauvoir dans un atelier de Billancourt, par exemple, en exposant son programme libérateur de défrustration. » Des années plus tard, l'intellectuel se souviendra précisément de cette critique, toujours au micro de Jean-Louis Servan-Schreiber. J'ai eu des réactions très mauvaises, par exemple, parmi les réactions qui m'ont déçu, il y a eu celle de certains hommes que je crois égalitaires, et il y a eu celle des communistes dans l'ensemble, qui ont vraiment craché sur le livre. Je ne sais plus pourquoi. Qui, écrivaine et lettres françaises, les ouvrières de Billancourt s'en moquent bien de tout ce qu'elle raconte là, ce qui est absolument faux, parce que tous les problèmes dont je parlais concernent aussi bien les ouvrières de Billancourt, et même peut-être davantage, que la bourgeoise du 16e arrondissement. Et pourquoi est-ce que les communistes sont hostiles à ces idées? Ils le sont moins maintenant. Mais enfin, ça, toute l'histoire du communisme par rapport aux femmes, c'est une histoire assez compliquée, parce qu'ils considéraient que le problème des femmes était un problème secondaire, que la contradiction des sexes est une contradiction secondaire à cause de la contradiction de classe, qui est, elle, une contradiction primaire. Et ce n'est pas tout. Simone de Beauvoir reçoit de nombreuses lettres d'insultes, signées ou anonymes. Elle est tour à tour une pauvre fille névrosée, une frustrée insatisfaite, une déshéritée, une mal baisée, une nymphomane, une envieuse, une aigrie, bourrée de complexes d'infériorité à l'égard des hommes, rongée par le ressentiment. Ici, on lui offre de la guérir de sa frigidité, là d'assouvir ses appétits sexuels démesurés. Bref, pour la philosophe devenue sulfureuse, ses réactions épidermiques et insensées sont la preuve qu'elle a tapé dans le mille, justement. Très vite, elle réalise donc que le deuxième sexe aura un impact réel dans le débat public. D'ailleurs, malgré ou à cause du scandale, le livre est immédiatement un succès de librairie. 20 000 exemplaires sont vendus la première semaine. Pourtant, à la sortie de l'ouvrage, en 1949, Simone de Beauvoir ne se définit pas comme féministe. Non. Le deuxième sexe, c'est d'abord un état des lieux de la condition féminine à travers les âges et non un brûlot militant. Pour son auteur, il s'agit surtout de déconstruire les mythes de la féminité et de comprendre une situation plutôt que de proposer des solutions pour le combat. Les mois passent, puis les années, l'essai réédité, puis traduit dans de multiples langues. L'anglais d'abord, puis le russe, le chinois ou encore l'hindi. Dans les années 60, il devient le livre de chevet des femmes qui s'interrogent sur leur histoire et leur devenir. Il est étudié, disséqué et continue de se vendre dans le monde entier. Avec les années, Simone de Beauvoir reçoit des milliers de lettres de femmes du monde entier qui se sont retrouvées dans le livre. Elle est bouleversée de voir à quel point son travail aide toutes ces femmes à mieux comprendre le monde dans lequel elles vivent. Et peu à peu, le deuxième sexe acquiert un statut de classique de la littérature. Il devient le point de départ du féminisme moderne, l'état des lieux nécessaire avant l'action. C'est grâce à toutes ces lettres reçues que Simone de Beauvoir réalise qu'un combat strictement féministe est possible, et même souhaitable, comme elle l'explique dans cet entretien. C'était une étude théorique beaucoup plus qu'un travail militant. Et je suis très heureuse d'ailleurs qu'il ait pu par la suite être repris par des militants, parce que maintenant il joue un rôle militant ce livre. Mais sur le moment, il n'avait pas du tout été conçu comme cela. Et je dois dire que moi-même, en 1949, quand j'ai écrit Le Deuxième Sexe, j'étais un peu dupe de cela. Je croyais qu'il fallait surtout militer pour la révolution, puisque moi je suis tout à fait de gauche et par conséquent je souhaite un changement complet du régime et le renversement du capitalisme, mais je pensais qu'il suffisait de ça pour que la situation de la femme devienne l'égale de celle de l'homme. Et je me suis aperçu, je m'étais bien trompée, car ni en URSS, ni en Tchécoslovaquie, dans aucun pays socialiste, ni dans les partis, précisément pas dans le Parti communiste, ni dans les syndicats, ni même dans les mouvements gauchistes plus d'avant-garde d'aujourd'hui, le sort de la femme n'est le même que celui de l'homme. Et c'est ce qui m'a décidé à devenir ce que j'appellerais proprement féministe, et d'une manière assez militante. J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe, et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Il n'est pas question, il n'est pas possible que le sort de la femme change profondément si la société, d'autre part, ne change pas profondément sur le plan de la lutte des classes. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais à étayer la lutte des femmes. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du deuxième sexe? Comme le racontera des années plus tard la romancière Annie Ernaux, grâce à son livre, Simone de Beauvoir a permis à des millions de femmes de mieux comprendre les forces qui les faisaient agir et le conditionnement profond que chacune avait reçu depuis la plus tendre enfance. Castor est ainsi devenue la grande sœur, la camarade, l'amie rêvée, celle qui leur a montré la voie, celle qui leur a fait comprendre qu'elle n'était pas seule et qu'elle pouvait relever la tête. Pour autant, le deuxième sexe est aussi une invitation destinée aux hommes. D'ailleurs, quand on parle du livre, on oublie souvent qu'il s'achève par un cri d'espoir et de réconciliation. Entre les sexes naîtront de nouvelles relations charnelles et affectives dont nous n'avons pas idée, écrit Simone de Beauvoir. Déjà sont apparues entre hommes et femmes des amitiés, des rivalités, des complicités, des camaraderies, chastes ou sexuelles, que les siècles révolus n'auraient su inventer. Rien. Non, rien ne me paraît plus contestable que le slogan qui voue le monde nouveau à l'uniformité, donc à l'ennui. T'es belle, même quand tu pleures, t'as le spleen élégant, le blues enchanteur, il devait être aveugle et sourd pour être allé faire un tour. C'est pas la peine de faire semblant, je sais qu'on n'est pas des géants. Viens, on pleure, on pissera moins. Toujours ça passera, ça va, ça vient, ça s'en va. Deux ans on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium, on boira du rock'n'roll sur des vieux talagums. Si c'est je coule avec toi, viens, on danse, ça se verra moins. Comme toujours, ça passera, ça va, ça vient, ça s'en va. Dans deux ans, on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium. Ça vient, ça s'en va. Deux Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Simone de Beauvoir, le deuxième sexe dont nous allons parler avec notre invitée Marie-Jo Bonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne du féminisme et auteure de Simone de Beauvoir et les femmes, paru chez Albin Michel en 2015. Vous avez été membre du mouvement de libération des femmes dès 1971 et vous avez à ce titre rencontré Simone de Beauvoir. Quelle chance, entre parenthèses. Votre dernier livre paru en 2018 est titré Mon MLF chez Albin Michel. MLF, mouvement de libération des femmes, évidemment. Dites-moi, Simone de Beauvoir était optimiste, hein. Je reprends les dernières phrases que j'ai cité dans le récit. Entre les sexes naîtront de nouvelles relations charnelles et affectives dont nous n'avons pas idée. Elle était optimiste. On va pas penser à sa place, d'abord parce qu'il faudrait qu'on arrive à se hisser à son niveau, mais qu'est-ce, à votre avis, quel regard elle poserait aujourd'hui sur notre société, sur la place des femmes, on va dire dans les sociétés occidentales, déjà, par rapport aux progrès qui ont été faits et tout le travail qui reste à faire? Oh ben je crois qu'elle serait moins optimiste, hein, parce que là, dans les années 80, enfin 70-80, on se situait quand même dans les 30 glorieuses à une époque de grands changements de la situation des femmes, de la libération. La société entière, il y avait un vent de liberté qui soufflait, qui était extraordinaire, qui venait d'ailleurs de mai 68. Et après, il y a eu quand même le retour du bâton, et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même situation. Alors, on s'imagine qu'on a gagné l'égalité. Effectivement, il y a une mixité dans la société qui est sans aucune comparaison avec ce que c'était quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, il y a quand même de grosses difficultés, notamment de relations entre les sexes, évidemment, comme on a pu le constater dernièrement. Oui, enfin, les années de liberté dont vous parlez étaient des années également pendant lesquelles on voyait des publicités où la femme était vraiment, c'était juste la femme au foyer, elle ne pouvait rien faire d'autre. Son image n'était pas glorifiée, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais ça, c'était le décalage entre les publicités et la vie. Parce que nous, on regardait pas les publicités. Et il faudrait savoir si la publicité a un impact. En tout cas, pas sur la jeunesse. On était beaucoup moins conditionnés par la publicité, par la télévision, par Internet. Vous voyez, il y avait quand même une forme de liberté qui était beaucoup plus grande. Parlez-moi, Simone de Beauvoir, s'il vous plaît. Vous qui l'avez rencontrée, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh bah écoutez, bon moi je l'ai rencontrée, j'étais très jeune, hein, j'avais 21 ans, c'était au mouvement de libération des femmes, et c'était tout au début quand on faisait la campagne pour l'avortement. Ouais. Et elle, quand elle est arrivée, alors c'était Anne Zelensky qui était la chercher pour qu'elle signe le manifeste qu'on avait fait. Tout de suite, elle avait été enthousiaste. Et puis un jour, elle est arrivée en réunion. Alors vous savez, il faut vous replacer à cette époque-là. C'était des pièces qui étaient archi-combles. On était assises par terre et puis tout le monde fumait. Vous voyez, il y avait une forme de vie extraordinaire. Et tout d'un coup, Madame de Beauvoir arrive. On lui donne une chaise. Donc, grand silence, respectueux. On était très impressionnés, évidemment, parce que c'était quand même une femme qui était une des références. On n'avait pas beaucoup de références, hein, dans les années 70. Bien sûr. Et puis, on sentait qu'elle se sentait bien avec nous. Et ça, c'est très étonnant parce que c'est tout à fait en contraste avec le deuxième sexe où elle n'arrête pas de critiquer les femmes en disant qu'elles sont impuissantes pour changer l'histoire, etc. Tandis que là, elle a découvert quand même des femmes très différentes de celles qu'elle a décrites dans le deuxième sexe. Alors, et je pense que... Oui, allez-y, pardon. Oui, ça l'a touché au cœur, hein, je pense. Bon, non, vous disiez, oui, dans le deuxième sexe, elle critique beaucoup les femmes, mais elle fait un constat qui est lucide et qui est la base d'un combat. Elle ne les critique pas sans but. Oui, la base d'un combat, ça, je ne pense pas, parce que elle n'arrête pas de dire qu'elle n'est pas féministe, qu'elle ne veut pas s'enfermer dans le féminisme, etc. Elle ne dira qu'elle est féministe qu'à partir du MLF. Hein? Donc, si vous voulez, elle dresse un constat. Un constat qui est quand même un constat de la sexualité, en particulier de la maternité. C'est ça qui a choqué les Français, parce que on était dans une espèce d'utopie, vous savez, les femmes allaient faire le baby-boom, tout ça. Moi je suis un enfant du baby-boom, hein. Ma mère, elle a fait 3 enfants, comme toutes les femmes, hein. Il fallait enfanter. Et il y avait cette idéologie de la maternité, de l'épanouissement, puis tout d'un coup, Beauvoir arrive et dit, elle dévoile qu'est-ce qu'il y a derrière. La nuit de noces en particulier, c'est extraordinaire ce qu'elle écrit. Elle écrit aussi sur l'avortement. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, dans les prisons, hein, en 45-46, vous avez un tiers des femmes emprisonnées, c'est pour avortement. Ouais. Mais ça, vous, c'est des choses qu'on ne sait pas du tout. Mais vous, non, parce que vous dites qu'elle devient féministe qu'avec le MLF, mais à la limite, peu importe. Elle sert la condition des femmes avec son constat majeur selon lequel on ne naît pas femme, on le devient, que c'est pas un constat biologique, mais c'est un constat culturel, qu'elle soit féministe ou pas, qu'elle rejoigne le mouvement féministe ou pas. J'ai envie de dire, on s'en fiche, c'est pas... Non. Oui, mais non, ça dépend, parce que, si vous voulez, il y a quelque chose de très étonnant avec Beauvoir. C'est-à-dire qu'elle est devenue pour le monde entier la grande féministe française alors qu'elle ne se reconnaît pas comme féministe. Mmh. C'est extraordinaire. Hein? Oui, oui, franchement. Bien sûr. Donc, si vous voulez, elle a été dépassée par ce qu'elle fait. Parce qu'elle a fait ça, c'est évident. Hein. Elle a mis le doigt sur quelque chose vraiment de très important. Mais sa conscience de femme, de féministe, n'a pas suivi. Parce que peut-être qu'elle ne s'aimait pas suffisamment comme femme, et que peut-être qu'elle n'aimait pas suffisamment les femmes pour penser qu'il y avait un avenir, qu'elle pouvait constituer un contre-pouvoir, par exemple. Parce que la fin du deuxième sexe, elle dit que leur émancipation, c'est de s'assimiler aux hommes. Ouais. Or, ce que nous avons vécu au MLF, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on s'est différencié des hommes. On a fait un mouvement non mixte et on a dit que les femmes, on a commencé à dire que finalement, on retrouvait la fierté d'être une femme. Mmh. Vous voyez ? Et c'est peut-être ça qui l'a touchée, à mon avis, au MLF, parce que elle a découvert vraiment une autre façon d'être femme. Ouais. Et on n'était plus sous le regard des hommes. Et ça, c'est quand même très important, parce que, je veux dire, elle n'a pas confiance dans les femmes, finalement, dans le deuxième sexe, on le voit bien. Hmm. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle Sartre et son Pygmalion... Et d'ailleurs, quelle est la part d'influence de la philosophie sartrienne, l'existentialisme, sur le deuxième sexe, à votre avis ? Oh ben c'est énorme parce que, si vous voulez, elle s'est basée sur la philosophie de Sartre, où pour Sartre, la femme est l'autre de l'homme. Vous voyez, l'homme, c'est la référence, c'est le sujet, c'est le masculin, et la femme, c'est l'objet, le passif, etc. Donc, elle a mis en scène un certain nombre d'oppositions que l'on retrouve aujourd'hui à travers les analyses de genre, vous voyez, les stéréotypes de genre. Eh bien, c'est quelque part, c'est Beauvoir qui a servi à les figer, si vous voulez. À les mettre en place d'une certaine manière, hein, parce qu'ils étaient beaucoup moins évidents avant le deuxième sexe. Et donc quelque part, si vous, moi je peux pas adhérer au fait que la femme est l'autre de l'homme. Vous comprenez ? Oui, je comprends, oui. J'entends bien. C'est pas possible. Et on comprend que pour elle, on ne naît pas femme, on le devient, bien évidemment, parce qu'il y a un conditionnement social qui fait que on devient autre chose que ce que l'on est. Mmh. Vous voyez ? Je vois parfaitement. Mais alors, quand même, comme on dit, la pensée de Simone de Beauvoir est adossée à la pensée de liberté de l'existentialisme. On peut citer aussi les fameuses amours contingentes. Ah bah oui. Alors là, il y a beaucoup à dire. Hein, dites. Parce que là... Quel est votre regard en résumé quand même, hein, parce qu'on n'a plus que 6 minutes, vous voyez. Oui, non, mais elle a eu des... Elle n'a jamais avoué qu'elle était attirée par les femmes. Et ça, bon, moi, ça a été le reproche que je lui ai fait, parce que moi, j'aimais les femmes quand je suis arrivée au MLF. Et j'ai été déçue parce que J'ai trouvé que Beauvoir ne nous avait pas aidés, parce que si elle avait accepté de dire qu'elle était bisexuelle, par exemple, ça aurait beaucoup facilité les choses. Vous voyez ? Oui, oui, je vois. Et ça aurait évité qu'il y ait d'un côté les hétéros, de l'autre côté les homos, ensuite que les homos se retrouvent avec les gays, etc., et qu'on dise que le féminisme, c'est un mouvement hétérosexuel. C'est faux, c'est complètement faux. Donc, vous voyez, elle a une responsabilité, mais aussi, on ne peut pas trop lui en vouloir, parce que, quand même, elle est née à une époque bah oui. où c'était vraiment pas simple. Mais bien sûr. De dire qu'on est homosexuel, bien sûr, et qu'on est même bisexuel, hein. Mm-hmm, bien sûr. Et moi je me demande si elle avait dit que, si sans Sartre, je ne sais pas si elle aurait été aussi célèbre qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez? On peut pas répondre. Bah oui, peut-être. Non. Peut-être. On va l'écouter. Je vous propose de l'écouter quand même. De l'écouter sur, sur un thème important, la condition de la femme à travers les âges. D'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elle connaissait des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonne femme et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondées sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on les acceptait pas. Alors les femmes, à ce moment-là, sont vues reléguées au rôle de Florence Nightingale, au rôle d'infirmière, au rôle d'aide-assistante, etc. Et vraiment, il y a des ouvrages intéressants là-dessus. On voit comment il y a eu une volonté, puisque vous parliez de volonté, une volonté des hommes d'arracher la médecine aux femmes. Je pense que si on prenait d'autres domaines, on trouverait tout à fait les mêmes processus. Il y a donc en effet une volonté. Et maintenant, cette volonté n'est peut-être plus de prendre, mais c'est en tout cas une volonté très très très forte de garder. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie-Lou Bonnet ? Elle a totalement raison. Bah oui. Mais vous savez, quand elle parle, elle est formidable. Oui. Je veux dire, elle a une puissance de conviction. Enfin, là, on reconnaît la philosophe et la professeure de philosophie. Oui. Et c'est évident, elle sait convaincre, elle sait expliquer. Et malheureusement, c'est encore valable aujourd'hui. Hein. Le retour des sorcières, entre parenthèses, c'est le retour des refoulés. Hein. Oui, on avait consacré l'émission aux sorcières dans une fiction d'affaires sensibles. On y reviendra dans un format affaires sensibles classique du lundi au jeudi dans quelques semaines, dans pas longtemps. Dernière question, Marie-Jo Bonnet. Je ne sais pas si vous avez écouté hier l'émission de Léa Salamé, Femme puissante. Elle recevait Elisabeth Badinter, qui disait parmi tout un tas de choses intéressantes, elle disait, il ne peut pas y avoir de conquête féministe sans laïcité. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase? Je suis totalement d'accord. La liberté de conscience, c'est absolument la base. Je veux dire, la spiritualité, vous voyez, c'est quand même une chose. Je parle même pas de la religion. En fait, je devrais parler de la religion parce que ce sont les religions qui oppriment les femmes. Le pouvoir du père. Hein. Toutes les religions ont mis en place le patriarcat. Donc, évidemment, la laïcité, c'est quand même fondamental. Mais la spiritualité, c'est autre chose. Oui, il y a une spiritualité laïque, d'ailleurs, qui existe aussi. Donc, on parle bien des religions. Hein ? Absolument. Mmh. Et donc, il n'y a pas une seule religion. Vous trouverez dans le catholicisme, ils vont libérer les femmes, bien entendu, mais c'est quand même la Vierge Marie. Hein. Pour qu'une femme soit sainte, il faut qu'elle soit vierge. Alors, vous voyez, l'avenir entre les sexes, il est mal barré, hein, quand même. Ce sera le mot de la fin, si je puis me permettre, parce que nous sommes arrivés vraiment, vraiment, vraiment à la limite du temps qui nous était accordé. Marie-Jo Bonnet, en tout cas, merci pour vos éclairages. Merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Simone de Beauvoir et son œuvre. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission livre, référence et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui.